Shengi, mama le mama, my like on go matanda, mama le mama, mama puri kushengi, mama le mama, wala wala talambi, mama le mama, mama puri kushengi, mama le mama, rechoko lunta kecha, mama le mama, mama puri kushengi, mama le mama, mama puri kushengi, mama le mama. Nanta Mashkaspa, Mama Le Mama. Mama Puri Kushasu, Mama Le Mama. Anta Pampa Chale, Sumakangaya Chama. My Puri Kushengi, Mama Le Mama. Akuma Maripusu, Mama Le Mama. Lama Lila Janta Munani, Mama Le Mama. Mama Puri Kushasu, Mama Le Mama. Akuma mariposu, mama le mama, kina tanda keyuni, mama le mama. Akuma mariposu, mama le mama.